voit venir le jour. C'est comme la chance qui le quitte. Il faut partir avant que tout ne se complique. Dans cette chasse à cour, il y a quand même une limite, celle de rentrer avant que ne s'éteigne l'éclairage public. Il revient vers chez lui, le portail électrique et les allées de gravier entre les massifs de fleurs. Faire un peu de café, mettre un peu de musique, oublier ce que cette fille lui disait tout à l'heure quand elle parlait de nos sœurs, de nos sœurs. Et puis elle a parlé de dandy, de rouleur et aussi de cargo, de croiseur, de gens qui claquent des doigts. T'es tombé du côté des nantis, des menteurs. Dans ta poitrine, j'entends le battement d'un compteur. Faut pas que tu comptes sur moi. Elle a dit non, sœur, non, sœur. La vie a fait de toi un dandy. La música de Francis Cabrel amb aquesta cançó, que podríem traduir com el juerguista del seu disc Dissabte a la nit a la terra, aquest Samedissois sur la terre que ens acompanyava. Doncs bé, seguirem amb recomanacions musicals. D'aquí una estona sí que tindrem els nostres convidats que ens aniran obsequiant amb cançons, però mentre deixem-me que faci aquesta tria, aquesta selecció amb el programa d'avui d'Hola la Musique, és Bonsoir Jong Jong, una cançó de la cantant parisenca France Gall. Puisque papa est en voyage, tu es le chef dans la maison. Mais un grand chef doit être sage. Bonsoir, John John. Comme avant, puisque papa est en voyage. Ens escoltes amb les cançons del món de la música en francès, la bona música de French Gall. Aquesta proposta que ve a continuació és la que ens recomana per aquesta setmana el nostre company, bon amic i de vegades també locutor entre nosaltres, avui no, Ciril Torres. Una de les recomanacions que m'han fet és una cançó d'aquest cantant, d'aquest pintor, d'aquest actor nascut a Itàlia, a Reggio Emilia, que a l'edat de 8 anys va traslladar-se cap a França. Aquest personatge és en Sergi Reggiani i la cançó que escoltarem és Madame Nostalgie. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu radotes et que tu vas de porte en porte répandre ta mélancolie. Madame Nostalgie, avec tes yeux noyés de brume et tes rancœurs et tes rancunes et tes douceâtres litanies. Madame Nostalgie, tu causes de la fragilité des roses. Je n'entends plus ce que tu dis. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu m'accables, j'ai envie d'envoyer au diable ton mal d'amour si mal guéri. Madame Nostalgie, tu pleures sur un nom de ville et tu confonds, pauvre imbécile, l'amour et la géographie. Madame Nostalgie, tu rêves, mais tes arbres n'ont plus de sève et tes branches n'ont plus de fruits. Madame Nostalgie, pardonne-moi si j'en ai marre de tes dentelles grises et noires, il fait trop triste par ici. Madame Nostalgie, je veux entendre des orages, respirer des jardins sauvages, voir le soleil et la pluie. Madame Nostalgie, tu pleures, mais ce soir je n'ai plus le cœur de partager tes insomnies. Madame, j'ai envie ce soir d'être infidèle dans les bras d'une belle qui ressemble à la vie. Doncs ha estat la cançó que ens aportava amb aquesta recomanació en Ciril Torres. Aquesta és la cançó que ens ha enviat per al programa d'aquesta setmana. A partir de la propera el tornarem també a tenir aquí al nostre costat. Dues de les seleccions que us vull acostar amb el programa d'avui són les següents. Aquesta banda de rock dels anys 60, Lady Mitchell, va ser el cantant solista. El seu nom, Les Chaussettes Noires. I la cançó que us portarem des de l'integral era aquest Rock the Scars. Je sais que l'amour n'a qu'un temps, oh, oh, pour oublier la vie. La vie, c'est tourment, oh, sur mon karting, je vis la sang. Rock de cœur, en volant en quatre roues, c'est être qu'une amie, oh, oh, de nuit, que Betty est partie. Moi, je n'ai plus d'ennui, oh, sur mon karting, je suis jour et nuit. Rock de cœur. Una

un cantant que també va actuar en pel·lícules i obres de teatre, un fill de dos famosos actors francesos, Fernand i Jacques Sardou. Ell és, com ja heu reconegut per el cognom, Michel Sardou. Dues de les peces més escoltades d'aquest personatge. La primera d'elles, com ens diu la Norma, una lletra absolutament livinidosa. És Je veux ta mère. À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes saints et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains, je vais t'aimer. Jusqu'à la folie, je vais t'aimer d'amour. À faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au septième cieux, à se croire mort et faire l'amour encore, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Fins aquí aquesta cançó, aquest Je veux t'aimer, que ens portava Michel Sardou, la segona de les recomanacions de la Norma, que tenem amb gran plaer perquè és una cançó preciosa. És el Je vol, el fill que s'ha fet gran i que diu als seus pares que vola, que els estima, però que marxa a viure la seva vida. I és que no tothom sap viure la seva pròpia vida. Michel Sardou. Je pars, je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole.

a connu le papa Hippo dans un grand concert de tam-tam dont la mort donnait le tempo. La maman du rhinocéros a connu le papa Rhino sous les cris de chasseurs féroces à faire fuir un otorino. Et tout ça fait de charmant papa, maman, pas du tout traumatisé. La nature complique jamais inutilement, y'a que les âmes pour s'épouser. Le papa de l'alligator a connu sa petite amie dans un fleuve oublié à tort de l'ancienne Mésopotamie. Pour consoler la crocodile, un crocodile futur sac à main, avec elle noua une idylle et lui fit deux ou trois gamins. Et tout ça fait de charmant papa, maman, digne, simple et pas blasé. La nature complique jamais inutilement, y'a que les hommes pour s'épouser. La maîtresse du cacatoète a suivi son âme en coco sans lancer le moindre SOS au curé missionnaire Enco. Perroquet et sa mérequet pour se faire de petits bavards se sont dit l'un à l'autre ok, sans notaire ni témoin notoire. Et tout ça fait d'excellents papa, maman, des parents civilisés. La nature complique jamais inutilement, y'a que les hommes pour s'épouser. Sur la balance du temps qui passe, le progrès ne fait pas le poids, et la loi de la jungle hélasse ici-bas fait toujours la loi. Mais sans être contestataire, je le note pour m'amuser. Toutes les bêtes sont célibataires, y'a que les hommes pour s'épouser. Després de la música de la Julieta passarem a escoltar la música d'un intèrpret que us presentarem al programa d'avui i amb un parell de cançons del seu àlbum complet, completa discografia de Philippe Catherine, nascut com a Philippe Blanchard el 8 de desembre de 1968, cantant, actor i també productor i director de cinema, que va començar la seva carrera el 1991. Alguns dels seus senzills més populars van ser en el passat Mon Cor Balance o Je veux emmerder, per exemple. Avui escoltarem un parell de temes diferents. Té dos fills, en Billy, nascut el 2011, i el 2012 l'Alfred amb Julie Depardieu, i el seu primer àlbum va ser l'any 1991, la seva primera pel·lícula, el 2015. Escoltem un parell de les seves cançons, Philippe Catherine. M'éloigne d'autant que je m'approche, je m'éloigne d'autant que je m'approche, je m'éloigne d'autant que je m'approche, je m'éloigne d'autant que je m'approche. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tu parles bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Al principi de la seva carrera, aquest personatge estrafolari ens portava el moviment que s'anomenava l'Easy Listening, que a través de tot el món, d'una manera d'escoltar la música molt suau, oferint amb tocs de bossa nova, molt sovint acompanyats de textos mòrbids i fins i tot doncs una mica humorístic, però d'un humor força negre. A vegades canviades, a vegades diferents, a vegades acostant-se molt al rock, coquetejant en la música electrònica, sense deixar en cap moment de ser part de la cançó francesa, però amb un estil prou característic, com heu pogut escoltar amb aquestes bla bla bla, que podria sonar en qualsevol idioma, o Liberté de Philippe Catherine, que hem escoltat. És el moment d'escoltar el nostre bon amic Àngel Rodríguez. Bon dia, Àngel. Hola, amics. Més d'una vegada ens haurem de referir a Claude François, un personatge nascut el 1939 a Egipte, però que als 17 anys ja va anar a viure a Monte Carlo i va triomfar a la Costa Blava i a tot França. Hi ha un fet important de Claude François, i és la peça Com d'habituda. Fixem-nos quan l'escolteu, perquè un bon dia Paul Anka la va també escoltar i li va agafar la melodia per fer el seu My Way, cançó també popularitzada després per Frank Sinatra. És de l'any 1967. Com d'habituda, Claude François. Je me lève et je te bouscule.

qui a écrit la chanson, c'est contre le racisme, bien entendu. Doncs seguim amb la música a través de l'Ala Music i en Hamid tornarà la propera setmana amb una altra proposta musical. Esteu escoltant Ulala Music. Doncs efectivament, arribem al final del nostre programa amb una darrera cançó que ens la portarà en Charles Trenet, es diu La Flor Blava. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió a Ulala Music. Parfum qu'on respire, ces fleurs bleues. Un regard qui vous attire, ces fleurs bleues. Des mots difficiles à dire, ces fleurs bleues. Ces fleurs bleues, ces fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, ces fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, ces fleurs bleues. Un vrai amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, ces fleurs bleues. On envoie des pneumatiques à fleurs bleues. Les dimanches sont poétiques, tout fleurs bleues. On se met du cosmétique dans les cheveux. Oui, fleurs bleues, pour fleurs bleues. On jure que l'on s'adore tous les deux. Et l'on jurerait encore si fleurs bleues. Ne vous plaquez ça, c'est vache, pour un dragon à moustache. Ah, morbleu. Elle n'est pas revenue, mystérieux. Oui, a jamais disparu sans adieu. Et je suis seul dans la rue, larmes aux yeux. Larmes aux yeux, larmes aux yeux. Mais soudain, le cœur bat vite, ah mon Dieu. La voilà, c'est la petite, l'air joyeux. Non, ce n'est pas elle qu'elle drame, c'est une assez grosse dame, pas fleur bleue. Alors le printemps, l'automne, sans fleur bleue, coule des jours monotones, ciel pluvieux. Et cet air que je fredonne sans fleur bleue devient vieux, ennuyeux. Pourtant, soyons pas tristes pour fleurs bleues. J'en ai là toute une liste, c'est bien mieux. Amourette passagère, joie peine de cœur légère, oui, fleurs bleues. Tout parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Des mots difficiles à dire, c'est fleurs bleues, bleues. C'est fleurs bleues, bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, c'est fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de bons yeux qui s'abandonnent, c'est fleurs bleues.